Dans le vif de l'histoire aujourd'hui, une histoire singulière. Nous sommes au 19e siècle, 1822, Valenciennes, dans le Nord, c'est la foire. Sur la Grand Place, il y a des dizaines de baraques. Et dans l'une d'elles, un homme montre son corps entièrement tatoué. Et avec ce qui lui reste de voix, il raconte ses pérégrinations dans le vaste monde. Il s'appelle Joseph Cabris, il va bientôt mourir. Mais Jean Lebrun, le livre que lui consacre Christophe Granger, qui vient de recevoir le prix Femina Essai, sort cet homme de l'oubli. Alors revenons un peu en arrière, mai 1804, la Nadejda aborde l'île de Nuku'iva, au nord de l'archipel des Marquises. C'est un bateau russe. L'historiographie communiste a voulu nous faire oublier l'appétit colonisateur des Russes, mais... En 1803, le tsar avait organisé une expédition d'exploration du monde qui devait refaire le parcours de Cook 15 ans plus tôt. Les habitants de l'île, derrière leur chef, se dirigent en pirogue vers la Nadejda, apportant en guise de bienvenue un plant de poivre. Dans la délégation qui leur arrive, les Russes distinguent à peine un individu aussi tatoué que les autres, nu, à l'exception d'une ceinture qui lui pend sur les hanches. Et étonnant, il parle passablement l'anglais. Et le français ne lui est pas étranger puisqu'il dit « moi beaucoup français, dansons la Carmagnole ». Il s'appelle Joseph Cabris, il a une petite vingtaine d'années. Comment est-il arrivé là? Eh ben, c'est un marin dont il apparaîtra progressivement qu'il est né à Bordeaux. S'il se souvient mieux de l'anglais que du français, c'est que corsaire de la Révolution à 14 ans, il a été capturé par les Anglais qui, après moult péripéties, l'ont enrôlé dans un baleinier dont il s'est échappé à la faveur d'une escale dans l'île de Nuku'iva. Sa vie a déjà été faite de nombreuses possibilités non advenues, peut-être dissimulait-il, d'autant qu'il était dorénavant davantage du côté des Iliens que des Européens, une partie de son passé. Cabris s'était très bien adapté à Nuku'iva. Ben, l'île n'était pas bien grande, mais les clans des différentes vallées s'y livraient à des guerres sans pitié où Cabris avait fait la preuve de ses aptitudes et de son courage physique. Le chef lui avait donné une de ses filles et un terrain où construire une maison. Des possibilités qui lui avaient été offertes, il avait tiré le meilleur parti et sans doute n'avait-il pas envie de quitter l'île. Mais pas le choix, les Russes l'embarquent quand ils appareillent. Contre son gré, sans doute. Et une fois qu'il comprend que le retour lui sera interdit, il transforme encore son comportement. À bord, sans cesser d'être le sauvage qu'on lui demande d'être, il redevient l'excellent marin qu'il avait été et il recouvre son français. La preuve, il parle de cul et de baiser. Le 15 juillet 1805, la Nadejda le dépose sur la presqu'île du Kamtchatka, à l'extrémité de la Russie, qu'il va traverser pour parvenir à Saint-Pétersbourg, partout reçu par la meilleure société et dans la capitale par le tsar. Et puis, la curiosité décroît, mais il est excellent nageur. Alors, il va devenir professeur de natation à l'Académie militaire de Kronstadt. Et ensuite, de retour en France, une fois que les Parisiens ont cessé de goûter le récit de sa vie romanesque, il lui reste l'issue de partir en tournée. Ça va durer 5 ans de vie collective et difficile. Il y a toujours plusieurs possibilités dans une vie. C'est le sous-titre du livre que Christophe Granger lui consacre. Première question qu'il se pose, de quoi est-on ignorant quand on décrit la vie d'un autre? Et deuxième question qu'il se pose, qu'est-ce que Cabris a fait de ce qu'on avait fait de lui? Son nom d'Ilien avait été En Marche, rapidement. Une biographie, ce sont de multiples possibilités et au bout du compte, le monde s'agrandit un peu de la compréhension d'une vie, surtout quand elle est aussi peu ordinaire. Joseph Cabris, ou les possibilités d'une vie, 1782-1822, c'est édité par Anna Moza, superbement édité, dites-vous. Merci Jean Lebrun, à demain.